L'inconnu de Pérol, CD numéro 4. Ce jour-là, comme les autres, elle avait parlé durant 2 heures sans le secours d'aucune note, et elle avait été religieusement écoutée. Mais en sortant de la fac de médecine, toute sa fureur lui revint. Que son imbécile de frère ait accepté de rencontrer Pascal Fontanelle la mettait hors d'elle. Qu'avait-il pu lui raconter ? Benjamin était quasiment le dissident de la famille. Toujours absent, toujours au loin, c'était lui qui avait le moins bien connu Camille. Que ferait-il d'une pseudo-nièce aujourd'hui ? De toute façon, la petite Fontanelle n'était pas assez folle, et surtout pas assez stupide, pour aller chercher de l'affection auprès des Montague. Non. Elle voulait probablement des renseignements, peut-être à propos de l'héritage. Sauf qu'il n'y avait rien à lui apprendre. Au moment du décès de sa mère, Nadine avait redouté le partage obligatoire qui allait s'en suivre, Camille étant héritière au même titre que Nadine et ses deux frères. Or, les choses s'étaient déroulées très simplement. Le notaire avait fait savoir que Camille renonçait à tout et ne se présenterait même pas à l'étude, car elle ne souhaitait revoir aucun des Montague. Elle venait de se marier avec Henri Fontanelle et devait se considérer à l'abri du besoin. La rencontre n'avait donc pas eu lieu. Nadine s'arrêta, essoufflée. Elle marchait trop vite. Elle était trop grosse. Pourquoi mangeait-elle autant alors qu'elle recommandait à tous ses patients de ne pas prendre de poids ? Entre la nourriture servie au restaurant des médecins, à l'hôpital, et les plats tout prêts qu'elle ingurgitait voracement le soir en rentrant chez elle, le nez dans une revue médicale, elle négligeait toute hygiène alimentaire. « Je vais m'acheter des fruits et des légumes frais. » Un vœu pieux. Jamais elle n'aurait le temps de traîner au marché. Sa vie entière était consacrée au service de pneumo de Purpan. Et c'était très bien ainsi. Si Abel Montague avait vécu assez longtemps pour assister à la réussite de Nadine, il aurait été fier de sa fille. Elle aurait tant voulu avoir l'occasion de lui montrer de quoi elle était capable, lui prouver qu'elle était la meilleure et de loin. Parce que Camille, elle, n'avait rien fait de sa vie, sinon se faire engrosser par le premier venu. Un second mariage l'avait sauvée in extremis de la vie médiocre à laquelle elle était destinée. Voilà tout. Comme quoi la beauté avait ses limites, Dieu merci. Enfant, Nadine ne pouvait pas supporter le regard attendri de leur père sur Camille. Et lorsqu'il disait qu'il la trouvait jolie, elle se sentait rejetée. Jolie, avec son teint jaune, ses cheveux raides comme des baguettes et ses grands yeux noirs qui lui mangeaient toute la figure. Plusieurs fois, Nadine était allée poser la question à sa mère, qui l'avait rassurée. Non, bien sûr que non, la niaquée, la bâtarde n'était pas belle. Elle ressemblait juste à une face de citron. Quant à Nadine elle-même, son physique ingrat était qualifié d'intéressant. Quel euphémisme. Elle s'était aperçue très tôt que la nature ne l'avait pas vraiment gâtée et qu'il lui faudrait trouver autre chose pour être admirée. De nouveau à bout de souffle, elle parvint enfin à sa voiture. Depuis de nombreuses années, elle n'avait pas repensé à son enfance avec une telle acuité. Mais la présence de Pascal Fontanelle dans son service la ramenait en permanence à ses souvenirs. J'appellerai Benjamin tout à l'heure. Je veux savoir ce qu'il lui a dit. Au moins, son frère avait eu la courtoisie de la prévenir, et elle avait exigé qu'il ne parle pas d'elle, qu'il ne mentionne surtout pas son nom. Tant que Pascal ne ferait pas le rapprochement entre le professeur Nadine Clément et la famille Montague, elle ne risquerait pas de s'écrier « En quelque sorte, vous êtes ma tante !» Bon sang, il fallait vraiment qu'elle se débarrasse de cette femme avant qu'une semblable catastrophe se produise.